Tornado et June sont deux chats consolateurs adoptés par des maîtres qui ont perdu un enfant à naître. Ils se racontent dans L'homme qui écoutait battre le cœur des chats de Mathias Malzieux. C'est une histoire de résilience joyeuse où comment, en donnant sa langue au chat, Mathias Malzieux trouve un chemin de légèreté pour soigner le réel. Tornado et June sont nourris de poésie et de musique, ils se sont mis à penser et se racontent à tour de rôle. Ils vivent sur une péniche avec ceux qui se croient leur maître. Depuis que ces derniers ont perdu un enfant après une fausse couche, ils peinent à se reconstruire. Et June abrite en son cœur le fantôme de Masha, cette petite fille qui aurait pu naître. Quand le récit commence, un autre drame menace. Tornado est malade et n'a peut-être plus que quelques jours à vivre. Comment faire face à cette nouvelle perte qui s'annonce ? Un traitement miracle pourra-t-il le sauver ? Mathias Malzieux renoue avec le merveilleux dans cette autofiction en 5 actes comme les 5 étapes du deuil. Un récit doux et plein d'humour pour évoquer le pouvoir des histoires, des chats et de l'imaginaire. L'homme qui écoutait battre le cœur des chats de Mathias Malzieux est paru chez Albin Michel.